Direction spirituelle pour s'occuper saintement avec Dieu à l'usage des novices de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel, nouvelle édition, Poitiers, typographie de Henri Houdin, 4 rue de l'Éperon, 1869. Marc M. Dan, archive.org. D'après, archivecarmeldelisieux.fr. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Édition de 1869 à l'usage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les éditions précédentes conservées au monastère sont celles de 1854 et 1835, ce qui témoigne d'une mise à jour régulière du texte. Instructions préliminaires. Les novices sont des enfants qu'il faut conduire par la main et instruire, ainsi que de nouvelles disciples qui viennent en religion comme dans l'école de Jésus-Christ, pour se rendre parfaites, s'unir à lui, et devenir ses véritables épouses. C'est donc pour leur en donner les moyens qu'on a dressé ce formulaire, où elles apprendront à faire toutes les actions de la journée avec l'esprit intérieur, à s'occuper de Dieu en tout temps, en tout lieu et dans toutes les choses qu'elles auront à faire. Elles y trouveront des directions pour la plupart de leurs actions, sans cependant être obligées à les dire comme elles sont marquées, ni à suivre le tout à la lettre, car si le Saint-Esprit leur en inspire d'autres, ou les occupe de quelque autre manière, elles suivront sa grâce et se garderont de se retirer de l'attrait de Dieu. Mais il est nécessaire de le bien connaître et de prendre en garde de se tromper soi-même. Pour éviter ce danger, les novices feront bien d'avoir recours à leur maîtresse, qu'elles peuvent consulter en tout temps, pour s'éclaircir sur leurs doutes et pour leurs besoins, tant spirituels que corporels. Première partie, instruction pour les actions qui se font chaque jour. Exercice pour le matin. Exercice pour les actions à faire depuis le réveil jusqu'au moment qu'on est entré au cœur. 1. En s'éveillant, sitôt que vous entendrez le signe du lever, comme si c'était la voix de notre Seigneur, qui vous dit que c'est assez reposé, qu'il faut vous lever pour commencer de nouveau à le servir et accomplir sa sainte volonté. Vous vous mettrez à genoux sur votre lit, ferez le signe de la croix sur vous, et direz, « Mon Dieu, je m'éveille dès le point du jour, pour penser à vous. » Pour vous aimer et pour vous servir, me voici, ô mon Dieu, prête à faire tout ce qu'il vous plaira, votre sainte volonté sera la mienne, je l'observerai de tout mon cœur pendant tout ce jour. 2. En sortant du lit, souvenez-vous du grand amour par lequel le Fils de Dieu, au moment de son incarnation, est sorti du sein de son Père, est venu sur la terre pour s'assujettir à nos misères, en l'honneur et union de ce même amour. Sortez promptement et courageusement du lit, et, sitôt que vous aurez mis pied à terre, mettez-vous un moment à genoux pour adorer Dieu de nouveau, afin que toutes vos premières actions soient un hommage à sa divine grandeur, les unissant toujours à celles que notre Seigneur a faites ici-bas sur la terre. Ensuite vous vous habillerez avec diligence et ferveur d'esprit, et avec un grand désir de vous présenter devant Dieu à l'oraison, afin d'y puiser les grâces et les forces nécessaires pour le servir de plus en plus. 3. En s'habillant, préparez intérieurement mon âme, Seigneur, comme je prépare mon corps pour aller au cœur. Revêtez-moi de la ferveur de votre divin esprit et des précieux dons de votre grâce. Si vous voulez prendre des applications intérieures sur chaque chose, pour vous habiller, vous pourrez vous servir de ce qui suit. 4. En prenant sa robe, revêtez-moi, mon Dieu, des saintes habitudes religieuses, afin que je paraisse devant vous tel que mon habit et ma profession le demandent. 5. En mettant sa ceinture, unissez-moi à vous, ô mon Seigneur, d'une union intime, et attachez-moi à votre bonté par les liens de la charité, dont le nœud ne se rompt jamais. 6. En mettant sa toque, pensez que cette blancheur vous représente la pureté de conscience que vous devez avoir pour plaire à Dieu, et dites, « Ô mon Seigneur, faites-moi la grâce de mourir plutôt que de souiller mon âme d'aucun péché, purifiez-la dans votre précieux sang, et donnez-moi une parfaite contrition de mes offenses. » 7. En mettant son scapulaire, « Mon Seigneur, faites-moi la grâce de porter avec joie et amour votre joug et votre fardeau, tous les jours de ma vie. » 8. En mettant son voile, « Mon Seigneur, ce voile m'apprend que je dois mourir au monde et à moi-même pour ne vivre plus qu'à vous. Faites-moi donc la grâce, ô mon Dieu, qu'il ne demeure en moi aucun reste de cette vie misérable qui m'empêche de m'unir à vous. » 9. En mettant son manteau, agneau de Dieu sans tache, revêtez mon âme de cette pureté et de cette blancheur dont sont ornés ceux qui vous suivent. 10. En allant au cœur, étant décemment habillé, vous irez modestement et diligemment au cœur, avec émulation de vous y trouver des premières, afin d'avoir la bénédiction de l'ange tutélaire du couvent. Quand l'angélus sonnera, vous le direz le plus dévotement que vous pourrez, pour honorer les mystères de l'incarnation, de la mort, de la passion et de la glorieuse résurrection de notre Seigneur. Avant d'entrer au cœur, vous prendrez de l'eau bénite, dans un sentiment de contrition, priant intérieurement notre Seigneur de nettoyer votre âme de tout ce qu'il y a en elle qui peut lui déplaire. 11. En entrant au cœur, après avoir fait 3 ou 4 pas, vous ferez une profonde inclination au très saint sacrement, et, vous retournant, vous en ferez une demi à la mère prieure, ou à la sous-prieure en son absence, et puis vous irez, à votre place, vous mettre à genoux. 12. Étant au cœur, vous ferez une croix avec le pouce sur le front, sur la bouche et sur le cœur, en disant ces paroles, « Per signum crucis, de inimici nostri libera nos, Deus noster », et puis vous ferez un grand signe de croix sur vous, baiserez la terre et adorerez profondément notre Seigneur Jésus-Christ dans le très saint sacrement. Ensuite vous ferez la direction générale de toutes les actions de la journée, si vous ne l'avez pas faite avant d'aller au cœur. Grand Dieu, qui m'avez donné l'être et la vie, abîmé au plus profond de mon néant, je vous adore de tout mon cœur et vous reconnais pour mon Dieu, mon Créateur et mon Souverain Seigneur, duquel je dépends en tout et sans lequel je ne puis rien, je vous remercie de tous les bienfaits que j'ai reçus jusqu'à ce jour de votre paternelle bonté, particulièrement du soin que vous avez eu de moi pendant cette nuit, et de ce que vous me donnez encore du temps pour faire pénitence et pour m'avancer dans la perfection, je vous demande très humblement pardon de tous les péchés que j'ai commis, je les déteste de tout mon cœur, par le seul motif de votre amour, et vous supplie de me faire la grâce de mourir plutôt que de vous offenser jamais, je vous offre tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je puis, pour toujours et à l'éternité, mais particulièrement aujourd'hui. Je dirige à votre honneur toutes mes pensées, mes paroles, mes œuvres, tous les mouvements, sentiments et affections de mon cœur, et désire que le tout soit consacré à votre éternelle gloire, que ce soit autant d'actes de louange, d'adoration et d'amour vers vous. Je me consacre de tout mon cœur à votre service, avec désir d'employer tous les moments de cette journée dans la fidèle pratique de mes règles, de l'obéissance, et généralement dans l'exécution de votre divine volonté, mais, mon Dieu, je reconnais que je ne puis rien sans votre grâce, ne me la refusez pas, je vous en supplie, et faites que je vous glorifie éternellement. Je vous offre aussi l'amour, la gloire et les louanges qui vous seront aujourd'hui rendues au ciel et sur la terre, et, pour vous rendre les actions de cette journée plus agréables, je vous les offre en union de celles que mon Sauveur Jésus, Christ a faites étant au monde, je souhaiterais les faire, s'il m'était possible, avec la même pureté d'intention, d'amour et de perfection que sa sainte humanité accomplissait les siennes, j'accepte encore, pour l'amour de vous, toutes les mortifications et peines qu'il vous plaira de m'envoyer, je renonce à toutes les tentations des ennemis de mon salut, je désavoue toutes les vanités, mouvements d'amour propre, de recherche de moi-même, et enfin tout ce qui pourrait vous déplaire, ô mon Dieu, et me propose, moyennant votre sainte grâce, de vous être fidèle. Sainte Vierge, Reine du ciel et de la terre, trésorière de la grâce et l'espérance de toutes les religieuses de cet ordre, je me dédie et me consacre particulièrement à vous, avec un désir de vous servir et de vous honorer en tout ce que je penserai, dirai et ferai le long de ce jour et toute ma vie, je vous supplie, ô ma très chère mère, de me tenir toujours en votre singulière protection, de conduire mes pas dans toutes les pratiques de cette sainte religion, et de m'y donner une heureuse persévérance jusqu'au dernier jour de ma vie. Et vous, mon Père Saint-Joseph, protecteur de cet ordre, notre Mère Sainte Thérèse et mes autres patrons, je vous conjure de me continuer vos spéciales faveurs. Mon Saint-Ange gardien, je vous supplie aussi de prendre soin de ma conduite et de continuer toujours votre assistance à cette pauvre pécheresse. Quand vous n'aurez pas le temps de faire cette direction avant le veni, Sancte Spiritu, vous pourrez la faire au commencement de l'oraison, qui ne peut être mieux commencée que par cette action de l'oraison mentale. Instruction préliminaire pour apprendre à faire l'oraison mentale, selon l'esprit de Saint François de Sales. Nos sœurs seront fort soigneuses de bien employer cette heure, comme la plus sainte et la plus utile de la journée, car c'est dans l'oraison que l'âme se nourrit et reprend de nouvelles forces, c'est là qu'elle rallume, tous les matins, le feu spirituel qui doit brûler sans cesse dans le sanctuaire de son cœur, c'est de là enfin que dépend tout le succès du jour, bon ou mauvais, et à voir comment une religieuse passe l'oraison du matin. On peut juger si elle doit être fervente ou lâche le reste du jour. Ainsi, elles se donneront bien garde de se laisser aller à l'ennui ou au sommeil, et tâcheront d'y être bien appliquées. L'oraison mentale a trois parties. La première s'appelle préparation, qui consiste en trois actes. 1. Se mettre en la présence de Dieu. 2. Lui demander la grâce de bien faire l'oraison. 3. Se représenter le sujet qu'on doit méditer. La seconde partie est la méditation, qui consiste aussi en trois actes. 1. Faire des considérations et raisonnements sur le sujet. 2. Exciter en soi de sainte affection. 3. Former des résolutions de faire un tel bien ou de fuir un tel mal. La troisième partie est la conclusion, qui consiste encore en trois actes. 1. Remercier Dieu du bon succès de l'oraison. 2. Lui offrir les bonnes résolutions qu'on y a prises. 3. Lui demander la grâce de les pratiquer. Après que l'oraison est achevée, on fait le bouquet spirituel. Première partie de l'oraison, préparation. Elle, se mettre en la présence de Dieu. On se met en la présence de Dieu, en se le représentant vivement en l'une des quatre manières suivantes. 1. Comme présent en tout et partout, et remplissant tout au ciel et en la terre, et nous étant dans lui comme une éponge dans la mer. 2. Comme l'ayant dans notre cœur d'une manière particulière, savoir, par la grâce, comme la vie de notre âme et de notre corps. 3. Comme présent au ciel, regardant ici-bas tous les hommes et jetant les yeux particulièrement sur nous. 4. Comme présent réellement au milieu de nous, mais d'une manière bien cachée, dans le Saint-Sacrement de l'autel. S'étant mis en la présence de Dieu, en l'une de ces manières, on fait trois actes. 1. Deux fois, croyant fermement cette présence de Dieu. 2. D'humilité, se reconnaissant indigne de paraître devant la majesté de Dieu. 3. D'adoration, le reconnaissant pour son souverain Seigneur, se regardant devant sa divine majesté, tantôt comme une esclave devant son roi, ou comme une criminelle devant son juge, ou comme l'enfant prodigue de l'Évangile devant son Père, ou de quelque autre manière, selon que le sujet de la méditation le demande. 2. Demander à Dieu de bien faire l'oraison. On invoque l'assistance du Saint-Esprit de cœur et de bouche, disant, Veni, Sanct Spiritus, etc., ou quelque autre prière semblable. On demande aussi l'assistance de la Sainte Vierge, de son bon ange, de son patron et des saints auxquels on a une particulière dévotion, comme aussi de notre Père Saint-Joseph et de notre Mère Sainte Thérèse. Pour mieux obtenir ce qu'on demande, on fait un acte de défiance de soi-même et de confiance en Dieu, et un de résignation à sa sainte volonté, protestant que nous ne recherchons, en cela comme en toute autre chose, que sa gloire et son bon plaisir. 3. Se représenter le sujet qu'on doit méditer en l'oraison. La représentation du sujet de la méditation se fait en deux manières. 1. Quand le sujet est sensible et visible, comme le mystère de la nativité, le crucifiement est semblable, on s'imagine qu'on est au lieu où la chose s'est faite, ou qu'elle se passe au lieu même où l'on est. 2. Si le sujet est insensible et invisible, comme serait une vertu ou un vice, on considère les biens qui proviennent d'une vertu et les maux du vice contraire, et on prend les moyens les plus efficaces pour faire les actes particuliers de la même vertu et pour vaincre les obstacles pour y parvenir. Deuxième partie de l'oraison, méditation. 1. Faire des considérations et raisonnements sur le sujet de l'oraison. Ils doivent tendre à pénétrer l'essence, la nature et les circonstances du sujet qu'on a choisi, le pesant et approfondissant comme on peut, afin de connaître, par de bonnes raisons et par des vérités claires, en quoi consiste telle vertu, l'estime qu'il faut en faire et les moyens de l'acquérir. Après qu'on a fait ce qu'on a pu par le raisonnement, il convient de faire une pause pour donner lieu au Saint-Esprit de nous parler au cœur, lui disant avec le prophète Samuel, « Parlez, Seigneur, votre servante vous écoute. » S'il nous fait la faveur de nous répondre, en nous donnant quelques nouvelles lumières ou saint mouvement, il faut recevoir cette grâce avec respect et reconnaissance et nous y arrêter autant de temps que nous sentirons pouvoir en profiter, et puis continuer notre sujet. S'il ne nous prête pas une oreille favorable, humilions-nous en sa présence et reprenons notre méditation. 2. Exciter en soi de sainte affection. Les principales affections sont l'amour de Dieu, l'admiration de ses bontés, la reconnaissance, la confiance et l'abandon de soi-même entre les mains de Dieu, l'adoration, la compassion aux douleurs de notre Seigneur Jésus-Christ, la contrition, les désirs, la joie, la crainte, l'horreur du péché et de soi-même, en faisant réflexion sur sa vie passée, par rapport au sujet qu'on médite. On reconnaît les dérèglements de sa conduite et on en reçoit une sainte honte et une humble et amoureuse contrition. On peut encore exciter les affections par quelques oraisons jaculatoires, comme faisait saint Augustin par celle-ci. « Mon Dieu, que je vous connaisse, et que je me connaisse » et saint François, « Mon Dieu, qui êtes-vous, et qui suis-je ? » 3. Former des résolutions de faire un tel bien ou de fuir un tel mal. Elles doivent se faire tantôt sur nos principaux devoirs envers Dieu, envers le prochain et envers nous-mêmes, tantôt sur nos principaux besoins, comme sont nos inclinations mauvaises, nos passions déréglées, nos méchantes habitudes, les occasions de péché, les empêchements à notre avancement, Les vertus qui nous manquent et qui sont propres à notre état et condition, le principal fruit de la méditation consiste dans les résolutions efficaces. Ainsi on doit toujours s'appliquer à en faire quelqu'une et ne pas se contenter de les faire en général, mais en particulier, selon nos besoins. Troisième partie de l'oraison, conclusion. 1. Remercier Dieu du bon succès de l'oraison. On remercie Dieu en reconnaissant que c'est lui qui nous donne les bonnes pensées et résolutions, et, faute de cette reconnaissance, il nous soustrait souvent de ses grâces et ne nous donne pas celles qu'il nous avait préparées. On peut inviter la Sainte Vierge, notre bon ange et quelques saints particuliers, à nous aider à faire ce remerciement, afin qu'il soit plus agréable à Dieu. 2. Offrir à Dieu les bonnes résolutions prises dans l'oraison. Cet acte n'est pas moins puissant pour obtenir des dons de Dieu, que l'action de grâce. Quand il est fait dans l'esprit d'humilité et de confiance, il faut donc lui offrir les affections, les résolutions et les bons sentiments qu'il lui a plu de nous donner, et il serait bon de prier la Sainte Vierge, notre bon ange et quelques saints particuliers, de faire quelque offrande pour nous, dans la vue de notre impuissance. 3. Demander à Dieu la grâce de pratiquer les bonnes résolutions prises dans l'oraison. Cet acte est le plus essentiel de l'oraison, c'est pourquoi il faut y employer plus de temps qu'aux deux autres. Adressez-vous à Dieu par un colloque amoureux, pour lui demander vos besoins, et les grâces et vertus qui vous sont nécessaires. Et priez-le de bénir vos résolutions, afin que vous puissiez les exécuter fidèlement. Implorez pour cet effet l'aide de la Sainte Vierge, de votre bon ange et des saints. Si l'heure sonne avant que l'oraison soit achevée, on doit diligemment prendre ses résolutions particulières, et faire brièvement les trois actes de la conclusion, comme il a été dit, car, autant qu'on peut, on ne doit point les omettre, particulièrement la demande du bouquet spirituel. 1. Instruction préliminaire. Pour bien faire ce bouquet, il faut faire une petite revue sur tout ce qui s'est passé dans l'oraison, pour en remarquer les défauts, et en demander pardon à Dieu, et aussi voir les principales lumières et affections qu'on a eues, afin de s'en souvenir quelquefois pendant la journée, comme celles qui ont été dans un beau jardin n'en sortent pas volontiers sans prendre quelques fleurs, pour les sentir et tenir sur soi, le long du jour, mais ce qui est de plus important à ce sujet, est la fidélité à mettre en pratique ces bonnes résolutions. Si vous voulez que l'oraison et la méditation vous soient utiles et profitables, ayez toujours en votre cœur un ardent désir de servir Dieu, en la manière que Sa Majesté le veut, et qui lui plaira davantage, et, lorsque vous le faites, employez, y tout votre cœur, vos désirs et affections, et retirez votre esprit de tout soin et embarras des affaires temporelles, afin de prier avec plus d'ardeur, car l'oraison humble et fervente pénètre les cieux, et ne revient point vide. Si, pendant l'oraison, il vous arrive des distractions si fortes que vous ayez peine à vous en retirer, tâchez de vous remettre en la présence de Dieu, et servez-vous de quelques paroles courtes et enflammées, pour rappeler votre esprit, et l'unir à Dieu, comme sont celles de David, « Ne me rejetez point, Seigneur, de devant votre face, regardez-moi, Seigneur, pour me secourir. » Formez une forte résolution de ne vous arrêter volontairement à aucune distraction, s'il arrive que, sans y penser, vous vous trouviez distraite, retournez aussitôt prendre le sujet de votre méditation. Si elle est interrompue mille fois par la distraction, remettez-vous autant de fois en vos premières pensées, sans perdre courage. Si les sécheresses et aridités vous surviennent, comportez-vous avec une grande humilité et patience, supportant doucement l'ennui et la peine qui peuvent vous en arriver, Confessez votre indignité, et ne vous troublez point. Votre oraison ne sera pas moins agréable à Dieu, si vous pratiquez ce saint exercice pour son pur amour, et non pour votre propre satisfaction. Vous pourrez dire dans le temps de la désolation, « Je n'ai pas commencé cette méditation pour mon plaisir et contentement, mais pour le pur amour de Dieu, ce sera aussi par ce même amour que je l'achèverai, aidé de sa sainte grâce, quoique je n'y trouve aucun goût, et continuez à vous tenir dans une contenance dévote devant Dieu, l'honorant dans votre silence, comme ses serviteurs qui sont devant le roi avec respect, sans que le roi leur dise un mot. » Telle est l'explication de l'oraison mentale et de ses parties, qu'il est bon de savoir et de bien entendre pour la pratiquer avec fruit, jusqu'à ce qu'il plaise à notre Seigneur de vous inspirer d'autres manières plus relevées. Cependant, les âmes que Dieu conduit quelquefois dans les voies extraordinaires ont souvent besoin de se servir des premières pratiques. Lorsque Dieu les tient dans la souffrance des sécheresses et aridités, pour les humilier et leur faire connaître que tout ce qu'elles ont vient de lui, puisqu'elles se trouvent si dépourvues lorsqu'il cesse de leur communiquer ses faveurs spéciales, il faut aussi vous avertir que, s'il vous arrive quelquefois qu'incontinent après la préparation votre affection se trouve tout émue en Dieu, vous devez suivre cette impression, sans vous arrêter à la méthode qui vous est donnée, car, quoique, pour l'ordinaire, la méditation doive précéder les affections et résolutions, si cependant le Saint-Esprit vous donne les affections avant la considération, vous devez les suivre, puisque la considération ne se fait que pour émouvoir l'affection, car c'est une règle générale qu'il ne faut jamais retenir les affections, mais leur donner lieu quand elles arrivent. Il en est de même pour l'action de grâce, l'offrande et la prière, qui peuvent se faire parmi les considérations, et qu'il ne faut non plus retenir que les autres affections, quoique pour la conclusion de la méditation il faille les reprendre. 2. Acte préparatoire pour l'oraison. À l'oraison du matin, après avoir dit le Veni, Sancte Spiritus, on dit en cœur l'oraison qui suit, pour se donner à la Sainte Vierge, et par elle à son Fils. Très Sainte et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, Joanne, vous prends aujourd'hui pour Mère, Maîtresse, Patronne et Avocate, mettant en vos bénites mains mon corps, mon âme, ma vie, ma mort et tout ce qui est mien en quelque façon que ce soit, recevez-moi, ô glorieuse Reine des cieux, pour votre humble servante, et faites que je sois et demeure à jamais celle de Jésus-Christ votre Fils, ainsi soit-il. Note. Indulgence de 100 jours applicable aux âmes du purgatoire, accordée par notre Saint-Père le Pape Pie IX à notre Saint-Ordre, 4 avril 1865. 3. Acte de foi, d'adoration, d'humilité et de contrition. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que vous êtes ici présent, je vous adore de tout mon cœur, je me reconnais indigne de paraître devant vous, moi qui ne suis qu'une chétive créature, qui vous ai tant de fois offensé, mais, mon Dieu, puisque vous ne rejetez pas un cœur contrit et humilié, je vous offre le mien, outré de douleur de vous avoir été infidèle. Pardonnez-moi, mon Dieu, je vous en supplie, et faites-moi la grâce de ne plus vous offenser. 4. Acte d'offrande et de demande. Je vous offre, ô mon Dieu, cette oraison que je vais faire, pour accomplir votre sainte volonté, et pour votre pur amour, n'y voulant chercher que votre seule gloire, je l'unis à celle que mon Seigneur Jésus-Christ a faite, étant sur la terre, afin qu'elle puisse vous être agréable, et que la perfection de la sienne supplée aux défauts de la mienne, je vous supplie de m'accorder l'assistance de votre grâce, avouant que de moi-même je ne puis avoir une seule bonne pensée, Apprenez-moi, ô mon Dieu, ce que je dois vous dire, et ne permettez pas qu'un exercice si ça me soit inutile, faites-moi la grâce de tirer de mon sujet les affections, les fruits et les résolutions que vous désirez, et que je les accomplisse selon votre sainte volonté. 5. Acte de renoncement aux distractions, et d'acceptation des peines. Mon Dieu, je renonce aux distractions qui pourront me venir pendant cette sainte action, désavouant tout ce qui pourrait me détourner de votre sainte présence, je me soumets à toutes les sécheresses, peines de corps et d'esprit, que je pourrais y sentir, me résignant entièrement à votre sainte volonté, Sainte Vierge, obtenez-moi les grâces qui me sont nécessaires pour bien faire cette oraison, notre Père Saint Joseph, mon Saint Ange Gardien, notre Mère Sainte Thérèse, et mes cinq protecteurs, aidez-moi de vos intercessions, je vous en supplie. Après avoir fait ces actes, ou d'autres selon sa dévotion, on s'appliquera à son sujet d'oraison, comme il a été dit. Au sortir du cœur, au premier coup des heures, on peut aller couvrir son lit ou visiter quelques ermitages, ou faire quelques autres petites choses, et on revient au cœur, aussitôt qu'on entend tinter de l'office divin pour les heures. On entre au cœur pour les heures, comme il a été dit pour l'oraison, il faut que ce soit toujours avec une grande modestie, un recueillement intérieur, la vue baissée, se représentant la grande action qu'on va faire, qu'il est de plaire à Dieu, de faire, sur la terre, ce que les anges et les saints font dans le ciel, où ils sont toujours occupés à chanter les louanges de Dieu, et à rendre honneur à sa divine majesté. Pendant l'office, si vous comprenez le sens des paroles, vous pouvez vous y appliquer. Ayez une attention amoureuse et pleine de respect en la présence de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ au Saint-Sacrement, devant lequel vous êtes, vous occupant à l'aimer, louer sa bonté et ses autres perfections, vous humiliant et confondant devant lui, admirant comme il daigne vous permettre de faire un exercice si élevé, qui convient aux anges et aux saints, plutôt qu'à une pauvre pécheresse. Si dans ces saintes pensées votre esprit s'enflamme dans l'amour de notre Seigneur, ou dans d'autres élans d'affection vers sa divine bonté et miséricorde, vous pouvez vous y arrêter, et vous aurez suffisamment satisfait, même avec plus de perfection que si vous eussiez pris garde au sens des paroles. Pensez quelquefois à unir vos prières aux louanges que le Fils de Dieu rend et rendra éternellement à son Père. Unissez-les à l'intention et amour de la Sainte Vierge, qui est ravie dans le ciel, dans la contemplation de son souverain bien. Unissez-les aux louanges que les anges et les saints lui donnent continuellement, et à celles qui lui sont données sur la terre par toutes ses créatures. Unissez vous aussi à toutes les louanges qui sont données à Dieu par les âmes souffrantes dans le purgatoire. Enfin, désirez que tout ce qui est au ciel, en la terre et aux enfers, et particulièrement tout ce qui est en vous, donne gloire, louange et bénédiction à celui qui ne peut être assez loué et glorifié. Vous pourrez, si vous voulez, vous servir, pendant l'office, du petit entretien intérieur sur la passion, que nous mettons ici, ou de quelque autre, selon votre dévotion, et qui vous aidera le plus à vous recueillir. À matine, vous pouvez, par exemple, contempler notre Seigneur au jardin des olives, priant, couvert d'une sueur de sang, et souffrant la plus cruelle agonie. À l'aude, trahi par Judas, lié par le bourreau, abandonné par les apôtres. Après-midi, conduit avec 1000 injures aux tribunaux d'Anne, de Caïphe, de Pilate et d'Hérode. À tierce, flagellé, couronné d'épines, vêtu d'un manteau d'écarlate, ayant, au lieu de sceptre, un roseau en main. À sexte, condamné à la mort de la croix, et portant sur ses épaules, au calvaire, le bois sur lequel il allait être attaché, Anon, cloué sur la croix, élevé dessus, entre le ciel et la terre, où, après avoir demeuré 3 heures, et prononcé cette parole, ayant été, en sa soif, abreuvé de fiel et de vinaigre, il meurt, à vêpres, détaché de la croix par les soins de Joseph d'Arimathie, et reçu entre les bras de sa mère, accompli, enseveli, déposé dans un tombeau et descendant au limbe. Voilà des sujets bien suffisants pour s'occuper saintement. Pendant l'office, on prendra celui auquel on sentira plus de dévotion, ou même d'autres, selon ce qui aidera le plus à se recueillir, mais il faut se souvenir que la principale attention qu'on doit avoir est de bien prononcer, de chanter l'office avec ferveur, de marquer les accents, faire les pauses, et d'observer les cérémonies qui sont ordonnées, sans s'épargner, ni écouter, autant qu'il se peut, les petites incommodités qu'on peut avoir, et prendre garde de se laisser aller à la négligence, puisqu'il est écrit « Maudit est l'homme qui fait l'œuvre de Dieu négligemment, du temps qu'on doit prendre pour faire sa cellule. Après les heures, on ira couvrir son lit et ranger sa cellule, à moins que quelque occupation particulière ne l'empêche. Il faut faire cette opération diligemment, et tâcher, si l'on peut, de n'y mettre environ que le temps de 3 ou 4 miséréres, et les jours qu'on la balaie, qui sont le mercredi et le samedi, faire en sorte de l'avoir fait en une demi-heure. Nos chères sœurs considéreront leurs cellules comme autant de lieux sanctifiés par les bonnes œuvres de plusieurs saintes religieuses qui les ont habitées avant elles. Combien de ferventes oraisons y ont été présentées à Dieu. Combien de fois le Saint-Esprit est descendu sur elles, accompagné de leurs anges gardiens, pour les combler de ses grâces. Ce petit réduit est donc plus honorable que le palais des rois, il doit donc être tenu en respect, comme le temple où l'on adore Dieu en esprit et en vérité. Comme la netteté extérieure est une marque de la pureté du cœur, si l'on voit une cellule mal arrangée, on peut juger que l'esprit de celle qui y demeure est dissipé. Autrement elle ne pourrait voir ce dérangement sans y apporter remède, car une religieuse bien attentive à soi-même et désireuse de sa perfection fait paraître au dehors, en tout ce qu'elle fait, l'image de ce qu'elle est au-dedans. Voilà les considérations qui doivent porter à tenir sa cellule bien propre, et, pendant qu'on la fait, on pourra occuper son esprit de quelques bonnes pensées, comme de se représenter le petit Jésus faisant le ménage de la pauvre maison de son père et de sa mère en Nazareth, avec une humilité et une simplicité toute divine, ou bien s'imaginer voir la Sainte Vierge dressant sa petite chambre avec une moitié angélique, pendant qu'elle vivait dans le temple, étant dans sa cellule après les heures, on pourra, si on veut, dire cette oraison, Seigneur mon Dieu, je vous remercie de tout mon cœur de la bénédiction que vous avez bien voulu donner à mes exercices de ce matin, c'est vous qui m'avez inspiré les lumières et les sentiments que j'y ai reçus, je vous supplie de les conserver dans mon âme, le long de ce jour, et de me donner la grâce de les pratiquer dans les occasions, faites, Seigneur, que, par leurs moyens, je puisse me préserver de la dissipation dans mes actions, et, si de ma part il y a eu de la paresse et de la langueur, je vous prie de me pardonner et de ne pas me refuser vos grâces en punition, mais de me les continuer plus tôt, afin de me bien tenir aujourd'hui en votre sainte présence. Du travail. Le travail est un des exercices principaux de la vie monastique. Aussi est-il fort recommandé dans notre sainte règle, afin de faire éviter l'oisiveté et les tentations du démon, qui entre ordinairement par cette porte, les anciens pères des déserts, dont nous devons suivre l'exemple, s'occupaient tantôt à la prière, tantôt au travail. Une religieuse doit donc bien prendre garde d'être jamais oiseuse, elle doit au contraire avoir soin d'avoir toujours quelque occupation, soit dans sa cellule, soit dans son office, soit en commun, et se soumettre à celle que l'obéissance lui ordonne, sans y chercher sa propre satisfaction. Elle doit s'occuper d'une manière qui n'étouffe pas l'esprit intérieur et de recueillement, mais agir, en toute chose, avec une grande paix de l'âme, conservant la liberté de l'élever à Dieu par aspiration ou par quelque bonne pensée, comme le souvenir de l'esprit dans lequel la Sainte Vierge travaillait au temple, se modelant entièrement sur elle, imitant son silence, qu'elle n'interrompait que pour les choses nécessaires, son intention, sa dévotion, sa ferveur, sa diligence et toutes ses autres vertus et dispositions. Quand son travail sera pénible et ennuyeux, elle se souviendra des grandes fatigues et lassitudes que le Fils de Dieu a souffertes pour opérer notre salut, et elle animera son courage à porter ses peines et fatigues par cette prière. Mon Dieu, je vous offre cet ouvrage, faites-moi la grâce de vous y être agréable, de me tenir toujours en votre sainte présence, attentive à vos inspirations et visites intérieures, et de m'y comporter avec ferveur, pour votre plus grande gloire, et le profit de mon âme, Sainte Vierge, je vous prie de m'assister de votre intercession, de la Sainte Messe. Le saint sacrifice de la messe est le cœur de la dévotion, l'âme de la piété, et le centre de la religion chrétienne, c'est un mystère qui comprend en soi l'abîme de la charité divine. C'est un abrégé de toutes les œuvres que Dieu a faites et opérées pour l'homme. Par ce saint sacrifice, Dieu nous communique abondamment ses grâces. Il n'y a œuvre plus sainte, plus utile, ni plus méritoire pour nous que d'y assister. D'autant que, l'offrant à Dieu avec les conditions requises, nous pouvons satisfaire à tout ce que nous lui devons, puisque c'est son Fils adorable que nous lui pressentons, qui est Dieu, comme lui, et dont le mérite est infini, que pourrait-il nous refuser, lui faisant une offrande si agréable. Il faut donc assister à la Sainte Messe avec une dévotion extraordinaire, afin de nous rendre dignes de recevoir les grâces que Dieu veut bien nous y communiquer. En y allant, il faut vous remplir l'esprit du plus profond respect, vous représentant que vous allez sur la montagne du Calvaire, pour assister à la cruelle et douloureuse mort que le Fils de Dieu y souffrit pour notre amour. Lorsque vous serez au de profundis, avant d'entrer au cœur, il faut prier notre Seigneur, par l'intercession de la Sainte Vierge, de purifier votre cœur de tout ce qui pourrait lui déplaire, et de vous donner les grâces nécessaires pour vous rendre digne d'assister à ce saint sacrifice, et aussi la grâce d'en sortir plus ardente en son amour que vous n'avez été. Et pour cela vous pourrez dire ce qui suit. Quand vous serez au de profundis avant la messe, mon Seigneur Jésus-Christ, qui, ne vous contentant pas de vous être une fois offert au Père éternel en sacrifice sur l'arbre de la croix, pour nos péchés, voulait encore le renouveler sur nos autels. Toutes les fois que le prêtre célèbre la Sainte Messe, je désire assister à ce divin sacrifice, et vous y adorez avec les esprits bienheureux qui vous y accompagnent, purifiez mon cœur et rendez-moi digne d'assister à ce mystère si relevé, faites-moi la grâce d'en sortir plus ardente en votre service que je n'ai été jusqu'ici, Sainte Vierge, qui fut présente au sacrifice de votre chaussé-fils sur la croix, faites que je m'y tienne si attentive et si dévote. Que le tout soit à la gloire de Dieu, et pour le salut de mon âme. Étant au cœur, après avoir adoré le Saint-Sacrement, vous offrirez le Saint-Sacrifice de la Messe au Père éternel, pour satisfaire à votre obligation, pour tous les besoins de l'Église, pour vos besoins particuliers, pour tous les pauvres pécheurs, pour la conversion des hérétiques, pour les âmes du purgatoire, et enfin pour toutes les personnes pour qui vous avez obligation de prier, vous pourrez le faire en la manière qui suit. Mon Dieu, désirant satisfaire à l'obligation que j'ai d'entendre la Sainte Messe, j'unis mon intention, mes adorations et mes prières à celles de l'Église et du prêtre, je vous offre, par ses mains, le sacrifice de votre Fils unique, en action de grâce au bienfait de ma rédemption, et en reconnaissance de toutes les autres grâces que j'ai reçues de votre bonté, je me donne et sacrifie tout entière à votre divine majesté, Père éternel, je vous supplie, en faveur de cet agneau immolé sur nos autels, de pardonner tous les péchés qui se commettent journellement dans le monde, ayez compassion de ma pauvre âme languissante et pleine d'imperfections, pardonnez-les-moi, ô mon Dieu, et faites-moi la grâce de m'en corriger, je vous conjure aussi, pour l'amour qui vous a porté à nous donner votre Fils, et qu'il a porté à se donner à nous sur nos autels, d'exalter votre Sainte Église, et conserver cet ordre du Mont Carmel dans la perfection où il doit être, d'avoir pitié de toutes les nations infidèles, de tous les peuples qui vivent dans l'hérésie ou dans le schisme, de plusieurs mauvais chrétiens qui vivent dans l'oubli de leur salut, de tous ceux pour lesquels je suis obligé de prier, ou qui le désirent de moi, et enfin de toutes les âmes du purgatoire, auxquels je vous supplie de donner soulagement et repos. Après cette offrande, vous direz le confiteor avec le prêtre, dans un sentiment de contrition de tous vos péchés, priant notre Seigneur de laver votre âme dans le sang précieux qui coula de ses veines, lorsqu'il fit sa prière dans le jardin des olives, et, pendant la messe, à moins que vous n'ayez quelque attrait particulier, vous ferez bien de vous appliquer à penser dévotement à quelques circonstances de la mort et de la passion du Fils de Dieu. Ce divin mystère en étant une représentation vive, notre Seigneur renouvelant tous les jours sur nos autels le sacrifice qu'il fit lui-même sur l'arbre de la croix, ce qui doit nous porter à nous tenir, pendant la messe, dans un esprit de sacrifice, unis, anéantis et perdus en Jésus, nous offrant à lui comme des victimes, pour tout ce qu'il lui plaira de faire de nous, de la communion spirituelle. Heureuses sont celles qui vivent avec une si grande pureté de cœur et fidélité, qu'elles soient dignes de communier sacramentellement tous les jours, mais, comme cela est rare, on peut y suppléer par la communion spirituelle, qui se fait par le désir de cette viande céleste. Plus le désir est grand, plus on reçoit de grâce, et il arrive quelquefois que le fruit de cette communion spirituelle égale l'autre par la foi vive et l'ardente affection de celle qui la pratique. Notre Seigneur communique quelquefois ses grâces aussi abondamment, sans venir réellement en nos cœurs, que quand il y vient, ne donna-t-il pas la santé aux serviteurs de l'humble centenier, qui se réputait indigne de le recevoir en sa maison? Il faut donc, pendant la messe, s'exciter à cette faim et cette soif spirituelle, et exprimer ses désirs à notre Seigneur en cette manière. Mon Seigneur Jésus-Christ, qui, par un témoignage de votre amour ineffable, voulut vous donner à nous dans ce divin sacrement, la veille de votre mort, je souhaiterais de tout mon cœur être digne de vous recevoir aujourd'hui, mais je me trouve si pleine de péchés, si négligente en votre service et si froide en votre amour, que je confesse, avec plus de vérité que ne faisait le centenier, que je ne suis pas digne de vous recevoir chez moi, mais, mon Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir, et il n'est pas nécessaire à votre puissance et à votre bonté de venir sacramentellement dans ma poitrine, dites seulement une parole, et mon âme sera guérie. Faites, Moi donc la grâce de me communiquer les mêmes effets que vous produisez dans les âmes de ceux qui vous reçoivent dignement. On pourra ensuite faire quelques actes intérieurs, suivant le mouvement du Saint-Esprit, sans se vouloir contraindre à produire celui-ci plutôt que celui-là. Les plus ordinaires, cependant, seront de foi, de contrition, d'humilité et d'amour. C'est au moment que le prêtre communie que nous devons exciter nos désirs pour la communion spirituelle, et marquer à notre Seigneur notre ardeur par quelques paroles enflammées, qui sortent plus du cœur que de la bouche, comme serait celle-ci. Venez, mon Rédempteur, la vie est l'unique désir de mon âme, venez spirituellement me remplir de vous, entrez, voici mon cœur que je vous ouvre, faites-moi part de ce divin banquet que vous promettez aux âmes qui vous introduisent dans leur cœur, faites-moi sentir que vous êtes mon Dieu, mon unique bien, et l'unique salut de mon âme, unissez mon cœur au vôtre d'un nœud indissoluble, rendez moi conforme à votre sainte humanité et faites-moi selon votre cœur. Cet exercice est très profitable, et il serait bon de ne pas le mettre quand on ne communie pas sacramentellement, mais il demande à être fait avec une grande ferveur de dévotion. On peut, si l'on veut, chaque jour fort souvent communier spirituellement, en formant un acte de désir, ainsi que nous l'avons dit, et aussi plusieurs fois le jour offrir à Dieu toutes les messes qui se disent par tout le monde. Par ce moyen, on participe plus abondamment aux fruits du sacrifice et on attire sur soi plusieurs grâces de sa divine miséricorde. De la retraite, après la messe et après les autres heures de communauté, comme ordinairement, chacune se retire à ses petites occupations, les unes dans leurs cellules, les autres dans leurs offices ou ailleurs, selon que l'obéissance les destine. On met ici un petit discours sur la retraite, pour leur en faire voir le bonheur et pour leur apprendre que, dans toutes les occupations qu'on peut avoir, on doit tâcher de se faire une solitude au fond de son cœur, pour s'entretenir intérieurement avec Dieu. La retraite et l'éloignement du monde est un des principaux moyens qui conduisent à la perfection et union divine, ce qui doit porter nos chères sœurs à faire une estime toute particulière de l'état saint que notre Seigneur leur a fait la grâce d'embrasser, qui les met dans une solitude continuelle, par la grande séparation du commerce du monde, mais, pour profiter d'un avantage si grand, nos sœurs doivent, dès le commencement, s'habituer à se faire une retraite au fond du cœur, afin que les petits emplois et offices que l'obéissance leur donnera ne soient pas capables de les distraire de l'union avec Dieu. Elles doivent, de plus, être persuadées que rien de ce qui est ordonné dans la sainte religion ne peut faire obstacle à une âme bien attentive sur elle-même. Pour profiter donc de la solitude, nous devons la considérer sous quatre rapports. 1. La solitude est une divine école où le Saint-Esprit fait la leçon à l'âme de celle qui y demeure avec affection. Je l'amènerai, dit-il, en la solitude, et là je lui parlerai au cœur, car sa voix est si douce, qu'elle ne peut être entendue dans le tumulte, ni parmi le trouble des occupations du monde. Aussi l'abbé Moise, interrogé par un frère des moyens de se perfectionner, lui répondit qu'il se retira dans la solitude, et qu'elle lui apprendrait tout ce qu'il est nécessaire. 2. La solitude est, sans contredit, un paradis rempli de délices spirituels et d'une suavité incomparable pour les religieuses qui chérissent leur état. Si, au commencement, on y trouve quelque répugnance ou ennui, la fidélité qu'on aura à se faire violence pour l'amour de Dieu opérera enfin la grâce d'en savourer le plaisir et de goûter combien le Seigneur est doux, car elles jouiront de sa très aimable conversation et auront, dès ici-bas, un paradis commencé, C'est ce qui rendait à nos anciens pères les déserts si délicieux, que plusieurs d'entre eux y ont passé plusieurs années sans voir ni entendre personne, comme Saint-Simon Stock, qui passa 20 ans dans le tronc d'un chêne, en Angleterre, et 6 dans une grotte du Mont Carmel, où il fut miraculeusement nourri d'une manne que la Sainte Vierge lui apportait du ciel. 3. La solitude est la fidèle gardienne de l'innocence et de la pureté du cœur, car la religieuse en solitude est exempte de 1000 défauts qu'on commet dans le monde par tant de médisances, de paroles oiseuses, de vaines récréations, d'entretiens superflus, et souvent contre la charité, et autres péchés et imperfections qui se commettent par les yeux, les oreilles et par la langue. Elle n'est donc plus à garder que son cœur, par où le démon pourrait l'attaquer, et encore la prière, l'oraison, la lecture et les autres saints exercices la mettront, si elle veut, hors de danger. Saint Arsène, étant encore dans le monde et demandant à Dieu, avec beaucoup de ferveur, qu'il lui enseignât le moyen de se préserver du péché, entendit une voix du ciel qui lui dit, « Fuis la compagnie des hommes, et tu seras sauvé. » Et, aussitôt qu'il fut dans le monastère, y suppliant de nouveau notre Seigneur de lui enseigner le vrai chemin de la perfection, il entendit une autre voix qui lui dit, « Fuis la compagnie, garde le silence, tiens ton cœur en repos, ce sont les principes de la vie éternelle. » Saint Jean-Baptiste, tout sanctifié qu'il fut dans le ventre de sa mère, se retira dans le désert, de peur de souiller la pureté de son âme de la plus légère imperfection. 4. Enfin, la solitude procure à une vraie religieuse des biens incomparables, car, la retirant du tumulte du monde et d'avec les créatures, elle rend son âme susceptible des lumières du ciel. Elle l'aide à réunir toutes ses pensées vers Dieu et à la rappeler de la dissipation de ses sens, pour mettre son esprit dans une bienheureuse paix, qui lui fait souvent expérimenter la présence de Dieu au fond d'elle-même. Elle lui apprend la demeure intérieure de son cœur, en lui faisant pratiquer la demeure extérieure dans sa solitude, et, pour tout dire en un mot, elle transforme l'homme tout en Dieu, l'élevant à une très haute et sainte communication avec sa majesté. Nos sœurs, désireuses de leur perfection, chériront donc beaucoup leur solitude. Puis qu'elles renferment un si grand bien, elles en feront leur paradis en ce monde et la tiendront pour le lieu de leur refuge et pour leur élément, si le démon les sollicite de la quitter ou les porte à s'y ennuyer, s'il veut les chasser de ce paradis. Comme autrefois Adam et Ève, elles lui résisteront généreusement et penseront que, si elles font peu de cas des délices spirituels de la solitude, elles méritent justement de n'avoir jamais de vraie dévotion. Mais ce serait peu de chose que le corps fût en solitude, si l'esprit était occupé de pensées inutiles, ou bien oisifs, ou ennuyés. Car il est nécessaire de s'employer en des exercices spirituels, on doit s'y comporter avec une grande fidélité, faisant ses ouvrages selon que l'obéissance le demande de chacune, et tâcher de faire usage d'un temps si précieux, s'avançant en l'amour divin, lequel s'augmente beaucoup dans l'âme par une fréquente et intime conversation avec notre Seigneur, laquelle se pratique dans la retraite intérieure, lorsque l'âme, bannissant, autant qu'elle le peut, toutes les pensées et toutes les images des créatures, se retire en soi-même, et là, toute seule, comme dans un sacré désert, s'applique à Dieu, et à traiter avec ce divin profondis de son salut et de son avancement en la perfection et en son amour. Nous voyons donc que l'occupation d'une âme solitaire est une vie intérieure et toute unie à Dieu dans le silence, ce silence, qui est un des principaux devoirs d'une véritable carmélite, doit être réglé par l'Esprit de Dieu, qui nous fera retrancher de nos paroles tout le superflu et l'inutile, pour ne dire que le pur et simple nécessaire. De l'examen de conscience avant le dîner. Quelques bons préceptes qu'on puisse donner pour s'acquitter dignement de ses actions, on ne peut néanmoins si bien faire qu'il ne s'y trouve souvent des imperfections, à raison de l'infirmité de notre nature et de la légèreté de notre imagination, qui nous empêche de garder sur nous toute l'attention qui serait nécessaire. C'est pourquoi il est à propos de faire du moins deux fois le jour son examen, comme il est d'usage dans toutes les religions, afin de détruire par la contrition les fautes qu'on peut avoir commises, et renouveler ses bons propos, s'ils étaient ralentis par les occupations. On le fait donc avant le dîner, afin que, si l'on a perdu tout ou une partie du fruit des exercices du matin, on puisse rentrer en soi-même, et augmenter de ferveur pour ce qui reste à faire dans le reste du jour, et aussi pour réparer au plus tôt par la pénitence et la contrition les fautes qu'on a faites, n'étant pas à propos d'attendre jusqu'au soir à demander pardon à Dieu d'une infidélité commise dès le matin. Le fruit de l'examen de conscience ne consiste pas tant à reconnaître combien on a commis de péchés, qu'à concevoir un sensible regret de s'y être laissé aller, et à former une ferme résolution de s'en corriger, de déraciner le péché de notre âme, et d'éviter une certaine tiédeur au service de Dieu, qui fait qu'on va toujours en arrière, accumulant faute sur faute et ne faisant pénitence d'aucune. C'est un état qu'on doit beaucoup craindre et tâcher d'éviter par une vigilance continuelle sur soi-même. Quand l'examen sonnera, on se rendra promptement au cœur, en y entrant, on fera les inclinations accoutumées, et, après avoir adoré le très saint sacrement, on élèvera son esprit à Dieu, se mettant en sa présence, et lui demandant les lumières nécessaires pour connaître en quoi on l'a offensé, puis on repassera dans sa mémoire les exercices qu'on a fait tout le matin, la manière dont on s'est comporté à l'oraison, à l'office, à la messe. Enfin on s'examinera sur tout ce qui pourrait avoir déplu à Dieu par pensée, parole, œuvre ou omission. Si, dans son examen, on a reconnu quelque infidélité notable, on la remarquera, pour s'en confesser à la première occasion, et on fera un acte de contrition de toutes ses fautes, les jetant dans la fournaise de la miséricorde de Dieu, pour y être consumé, avec une forte résolution d'être plus attentive sur soi-même. À la fin de son examen, on dira un pater, pour demander à Dieu la grâce de s'amender, cet examen doit se faire brièvement, comme il est dit dans la Constitution, et avant de se mettre à table, on fera cette prière. Seigneur, mon Dieu, puisque c'est votre volonté, que je prenne à présent ma réfection, je m'y présente seulement pour satisfaire à la nécessité, et non pour contenter la sensualité. Sanctifier cette action et daigner la voir agréable, en union des réflexions que Jésus-Christ a prises, étant sur la terre. Élevez mon esprit au-dessus du plaisir et du goût des viandes, et nourrissez mon âme de votre divine présence et de la lecture que j'y entendrai. Sainte Vierge, obtenez-moi cette grâce, je vous en supplie. Le De Profundis qu'on dit en communauté, en allant du cœur au réfectoire, doit s'appliquer au bienfaiteur, du bénédicité et du dîner. Le cause doit se dire avec bien de la dévotion, il faut se ressouvenir qu'il est rapporté dans l'Évangile que notre Seigneur, quoiqu'il fût maître de tout le monde, levait ses yeux divins au ciel, rendant grâce à son Père éternel avant de prendre son repas, si notre Seigneur l'a fait. Ça a été pour notre exemple, et nous n'y devons pas manquer. Reconnaissons la providence de notre Père Céleste, qui, sans que nous ayons travaillé, nous envoie notre réfection plus libéralement que plusieurs personnes du monde ne peuvent l'avoir, après de grands soins. La bénédiction étant achevée, on se range à table, et on s'y tient fort modeste, les mains sous le scapulaire, la vue baissée et l'esprit élevé à Dieu, se figurant qu'on est en la compagnie de notre Seigneur et des apôtres, au Saint-Cénacle, dont le réfectoire est l'image, lorsqu'on aura sonné le second coup de la clochette, après avoir fait le signe de la croix et déplié sa serviette, on prend son pain pour le baiser, bénissant Dieu de ce qu'il nous donne de quoi nous sustenter. Ensuite on commence sa réfection, chacune recevant de la serveuse ce qu'elle lui présente, comme une aumône que Dieu lui envoie, et se regardant comme vrai pauvre de Jésus Christ. Cette considération doit nous porter à ne rien mépriser de ce qui nous est présenté, soit bon ou mauvais, s'il n'est pas selon notre goût. Il faut se souvenir du fiel et du vinaigre que notre Seigneur prit en la croix pour notre amour. Il ne faut pas aussi tellement se laisser aller à satisfaire la nécessité du corps, que l'esprit ne pense qu'à cela, mais on doit réserver l'oreille et le cœur pour entendre et savourer la lecture, ainsi que firent les apôtres, écoutant les divines paroles de Jésus-Christ pendant la dernière scène. Il faut encore tâcher d'être fort modeste et mortifié du côté de la vue, s'abstenant de regarder de côté et d'autre. En buvant, on tient son godet avec les deux mains, c'est une ancienne coutume de l'ordre, et, avant de boire, on fait le signe de la croix dessus. Il faut aussi, pour la propreté, prendre garde de gâter sa serviette le moins qu'on peut. Après avoir mangé son potage, on prend un peu d'eau pour laver sa cuillère, et quand on laisse quelques restes, il faut faire attention qu'ils soient bien propres. Après le repas, on ramasse les miettes, par esprit de pauvreté, se souvenant que notre Seigneur le recommanda aux apôtres, après la multiplication des pains, et il faut avoir soin que son godet, son couteau et toutes choses soient bien propres avant de sortir de table. Des mortifications qu'on pratique au réfectoire. 1. Instruction préliminaire. La coutume établie dans nos monastères de faire des mortifications au réfectoire, coutume dont on tire beaucoup de profit, ne doit pas se perdre, c'est ce que notre Mère Sainte Thérèse dit dans les constitutions. Mais on doit prendre garde de ne pas les pratiquer par habitude, ni parce qu'on voit les autres en faire. Il faut toujours se proposer quelques bons motifs, comme d'acquérir la vertu d'humilité et le mépris de soi-même, de souffrir quelque humiliation, en satisfaction de ses péchés ou pour honorer quelque mystère de la passion de notre Seigneur. On doit toujours les faire avec une grande modestie et esprit intérieur, tenant la vue baissée et d'une manière à inspirer la dévotion à celle qui les voit faire. Les prophètes ont permission d'en faire deux des ordinaires par semaine, soit devant, soit après le cause. Mais les novices blanches doivent toujours en demander la permission à leur maîtresse, et ne peuvent en faire que devant le cause, et non après, excepté le dîner à terre, comme il est dit dans le papier d'exaction. On ne doit pas en faire deux en un jour, ni aussi deux jours de suite, à moins qu'on ne l'ait ordonné. Nous en mettons ici quelques-unes, pour apprendre aux novices l'application intérieure qu'elles doivent avoir en les faisant. 2. En baisant les pieds, on pourra se représenter notre Seigneur lavant les pieds de ses apôtres, unir son action à la sienne, et tâcher de la faire dans les sentiments de la plus profonde humilité, reconnaissant que, pour son orgueil et ses autres 13 péchés, on mérite d'être sous les pieds de tout le monde, et prier notre Seigneur de vouloir bien recevoir cette petite action en satisfaction de toutes les fautes qu'on a commises par orgueil et vanité. 3. En se prosternant à terre. Il faut se représenter qu'on mérite en effet d'être foulé aux pieds comme une pécheresse ennemie de Dieu et le rebut de tout le monde, ou bien se souvenir de notre Seigneur prosterner la face contre terre au jardin des olives, affligé, priant et pleurant pour nos péchés. 4. En tenant les bras étendus en croix, se représenter notre Seigneur sur la croix, et lui dire intérieurement qu'on désire se conformer entièrement à sa sainte humanité, en menant une vie crucifiée, à son imitation, en mourant continuellement à soi, même et à tout ce qui peut lui déplaire, pour ne vivre que pour lui seul. 5. En demandant l'aumône autour des tables, on doit se souvenir que le Fils de Dieu, qui est le roi du ciel et de la terre, s'est fait pauvre pour l'amour de nous, et a bien voulu recevoir l'aumône de ses créatures, lui qui était le Seigneur de toutes choses, et tâcher de faire cette action pour l'imiter et rendre hommage à sa pauvreté. 6. En mangeant à terre, on doit faire cette action dans un grand sentiment d'humilité, reconnaissant publiquement qu'on mérite de se voir rebuté comme une servante inutile, qu'on souffre par miséricorde dans la maison, et qu'on ne mérite pas de manger à table avec ses sœurs, qui sont les fidèles servantes de notre Seigneur. 7. En demandant pardon autour des tables, en faisant cette action, on doit avoir intention de faire une amende honorable à la Divine Majesté des fautes qu'on a commises, et avoir le cœur pénétré d'un véritable regret et d'une forte résolution d'être plus fidèle à l'avenir. 8. En prenant un bandeau, on se représentera notre Seigneur voilé par les Juifs, sa Majesté endura ses affronts pour châtier en lui-même la curiosité de nos yeux. 9. En portant la croix, on doit se représenter notre Seigneur portant sa croix, et chargé du pesant fardeau de tous nos crimes, allant s'offrir au Père éternel comme une victime pour nous, et, dans cette vue, nous devons nous soumettre à porter toutes les croix qu'il lui plaira de nous envoyer, nous donnant à lui pour tout ce qu'il lui plaira faire de nous. Si on fait quelque autre mortification, on se remplira l'esprit de quelques bonnes pensées, à peu près comme celles qu'on vient de marquer. 13. Des grâces après le dîner. On dit les grâces comme elles sont marquées dans le bréviaire, selon le temps, mais celles qui ne se trouveraient pas aux grâces avec la communauté diront en leur particulier, agimu, retribur, impate et ave, requiescant in passe. Et cite nomen domini benedictum, exercice pour l'après-dîner, de la récréation. Les fondateurs d'ordre, qui ont toujours été conduits par l'Esprit de Dieu, ont jugé à propos et même nécessaire de donner quelques relâches à l'esprit par un peu de récréation, ce qui est en usage dans la plupart des religions, afin que l'esprit, ayant pris ce petit repos, puisse ensuite se trouver dans la disposition de continuer ses exercices avec plus de facilité. C'est dans cette vue que notre Mère Sainte-Thérèse permet de prendre une heure de récréation après le repas, et dit même que ce temps est bien employé, on doit donc s'y rendre aussi exactement qu'à une autre heure de communauté, avoir soin d'apporter son ouvrage avant l'examen, et faire cette prière. Seigneur mon Dieu, puisque c'est votre volonté, que je prenne à présent un peu de récréation, afin de me rendre ensuite plus attentive à votre divin service, donnez-moi la grâce de m'y comporter avec telle modestie, attention sur moi-même et édification de mes sœurs, que je vous sois agréable et que j'en sorte avec le même désir de vous plaire que je sens à présent. Ô Vierge très sainte, assistez-moi de votre protection et me rendez imitatrice de l'admirable humilité et modestie que vous avez gardée en conversant dans le temple avec les autres vierges consacrées à Dieu. Étant entrée à la récréation, et avant de parler, on se mettra à genoux pour dire un Ave Maria à la Sainte Vierge, afin qu'elle nous obtienne la grâce de ne rien dire ni faire qui puisse déplaire à Dieu. Il faut prendre garde d'y commettre aucune action qui soit contraire à la modestie religieuse, comme des éclats de rire, d'y parler trop haut, il faut tâcher d'éviter la confusion, et de ne point s'interrompre, ayant beaucoup d'honnêteté, de déférence et de respect les unes envers les autres, ne soutenant point sa pensée et son sentiment avec trop d'attache, mais cédant avec beaucoup d'humilité, ne point parler des choses qui sentiraient trop le monde et la vanité, et ne se contester en rien, il y a encore de petits règlements dans le papier d'exaction, touchant la récréation, qui doivent en s'observer. Nous dirons seulement ici que, comme on doit prendre garde d'y être trop légère, on doit aussi éviter d'y être trop renfermé et d'y porter une contenance trop triste et chagrine. Il faut avoir un visage doux et affable, s'entretenant avec simplicité et franchise, se récréant par obéissance, et tâcher quelquefois de se rappeler intérieurement la présence de Dieu. Après la récréation, chacune se retire à ses petites occupations. À une heure, les novices qui ne savent pas leur office iront trouver leur maîtresse, à moins qu'elle ne leur indique un autre temps, afin d'étudier ce qu'elles ont à dire au cœur. Des vêpres. À 2 heures on sonne vêpres, aussitôt qu'on entend la cloche, on doit tâcher d'entrer dans une joie spirituelle de la bonne nouvelle que ce signal annonce, qui est que Dieu nous appelle pour lui rendre l'honneur et le service que nous lui devons, ce qui doit porter à s'y rendre promptement. Pendant le temps qu'on sera à de profondis, entre les coups de la cloche, on doit occuper son esprit de sainte pensée, pour se disposer à chanter les louanges de Dieu et diriger son intention pour lui offrir l'action qu'on va faire. Par la prière suivante, qui pourra aussi servir pour les heures et pour matines, je reconnais, mon Dieu, que je suis indigne de paraître devant vous et de chanter vos louanges, mais, puisque vous voulez bien me permettre d'assister à cet exercice angélique, je vous l'offre à la gloire de votre divine majesté, à l'honneur de la Sainte Vierge, au salut de toutes les créatures et pour satisfaire à mes obligations, selon l'intention de la Sainte Église, je désire de m'en acquitter avec le plus de perfection qu'il me sera possible, et de m'unir aux dispositions avec lesquelles vous a prié notre Seigneur Jésus-Christ étant sur la terre, remplissez mon cœur de dévotion et de ferveur, et donnez-moi la grâce d'y conserver l'attention et le recueillement d'esprit nécessaires pour bien prier, je désavoue toutes les distractions qui pourront me venir, protestant de n'y vouloir donner aucun consentement, Sainte Vierge, obtenez-moi toutes ces grâces, je vous en supplie. Entrez au cœur avec le respect dû au lieu où réside la majesté de Dieu, pour y écouter et favoriser ceux qui prient, pensez que vous entrez en esprit dans le cœur amoureux de notre Seigneur, comme dans le temple le plus saint et le plus auguste qui fut jamais. Vous vous rangerez en votre place, comme parmi les cœurs des anges, que vous supplierez de vous aider à chanter les louanges divines. Les instructions qu'on a mises pour les heures qui se disent le matin pourront servir pour tout l'office, selon la dévotion particulière de chacune. Après vêpres, lorsqu'elles ne se chantent point, les novices vont ordinairement au noviciat jusqu'à 3 heures, et, pendant ce temps, on leur lit quelques points de la Constitution, du papier d'exaction ou autres livres. Et elles peuvent demander à leur maîtresse ce qu'elles ne comprennent point bien, soit du papier d'exaction, soit des cérémonies et autres observances de la religion, afin de se bien instruire de tout ce qui est de leur devoir. À 3 heures, on se met à genoux et on baise la terre pour adorer le moment précieux où notre Seigneur mourut en croix. De la lecture. On permet ordinairement aux novices de prendre une demi-heure de lecture par jour, soit le matin, soit l'après-dîner, selon les occupations et emplois qu'elles auront, Cette permission n'est que pour le temps qu'elles sont novices, car, dès qu'elles sont du chapitre, elles se règlent sur ce que notre mère Sainte Thérèse marque dans la Constitution. Les novices doivent donc, autant qu'elles pourront, profiter de ce temps de lecture qu'on leur permet, sans cependant y avoir d'autres attaches, car si l'obéissance ou quelque occupation donnée par l'ordre de l'obéissance les en empêche, elles en feront le sacrifice. Avant de commencer la lecture, on doit tâcher d'épurer son intention de toute curiosité et élever son esprit à Dieu, le priant de nous faire comprendre et goûter ce que nous allons lire, et la grâce d'en profiter, on pourra, si on veut, le faire en la manière qui suit. Mon adorable Jésus, qui est la sagesse du Père éternel, le principe de toute lumière, éclairez, je vous prie, mon entendement et chauffez mon cœur, afin que cette lecture, que je vais faire ou entendre, puisse réussir à votre gloire et au salut de mon âme. Sainte Vierge, obtenez-moi cette grâce, je vous en supplie. Plusieurs tirent peu de profit de leur lecture et n'en sont point touchés, faute d'avoir élevé leur cœur à Dieu au commencement, pour lui demander ses lumières et ses grâces, parce que son divin esprit ne vient pas ordinairement dans une âme, si elle ne se dispose auparavant. La lecture ne doit pas se faire comme une action indifférente, mais comme l'un des principaux moyens que Dieu nous donne pour avancer dans la vertu et les pratiques intérieures. Parce qu'elle fait à l'âme ce que la nourriture fait au corps, la lecture spirituelle est donc la vie de l'âme et le principe des bonnes pensées, c'est elle qui fournit le bois qui doit entretenir dans le cœur le feu des aspirations. Enflammée vers Dieu, elle est, aussi bien que l'oraison, un canal par lequel Sa Majesté communique ses lumières et fait entendre et hérir sa volonté. De l'oraison du soir, à 5 heures, on sonne l'oraison, en y allant, tâchez de rentrer en vous-même, considérant que vous allez vous entretenir familièrement des affaires de votre salut avec un Dieu plein de bonté, dont la grandeur est infinie, devant qui toutes choses sont connues si elles n'étaient point, et duquel dépend tout votre bonheur, ce qui doit vous porter à dire, avec un profond sentiment de votre bassesse, parlerai-je à mon Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre et d'un autre côté, vous réjouir de ce que Sa Divine Majesté vous le permet et même vous l'ordonne. Les instructions que l'on a mises pour l'oraison du matin serviront pour celles du soir, et ce que l'on a dit pour le réfectoire et la récréation du matin servira également pour le soir. Décompli. Quand on sonne la fin de la récréation du soir, on doit finir tout discours et se rendre au De Profundis. Pour se disposer à dire compli, on pourra faire la prière suivante. Seigneur mon Dieu, voici encore un jour écoulé de ma vie. Vous me l'aviez donné pour m'avancer dans la vertu et pour croître en votre amour. Hélas, comment l'ai-je passé? Je viens, mon Dieu, vous demander pardon des fautes que j'y ai commises et vous supplier de me faire la grâce d'assister dignement à cette dernière partie de l'office pour votre gloire. Et pour terminer heureusement toutes les actions de cette journée, Sainte Vierge, obtenez-moi cette grâce. Je vous en supplie. 2 est à remarquer que les complets ont été ajoutés par l'Église aux heures canoniales comme une préparation au repos de la nuit, ce qui fait que la plus grande partie des prières que l'on y dit sont ordonnées à cet effet. Suivant donc le dessein de l'Église, on doit dire le Confiteor avec contrition et recevoir l'absolution dans le même esprit, durant les psaumes, se mettre sous la protection de notre Seigneur, en le priant de nous conserver pendant le sommeil de la nuit, et recevoir avec dévotion la bénédiction que la prière donne de la part de Dieu, par l'invocation de son nom. Ensuite on saluera la Sainte Vierge avec une particulière dévotion, pendant que l'on dira son antienne, la récitant avec joie et affection, telle qu'on doit avoir pour celle qui, étant la reine des anges, nous a adoptés pour ses enfants, d'une manière particulière, sans que nous l'ayons mérité en aucune façon. On se munira contre les assauts du démon par l'eau bénite, qui est distribuée à la fin de cet office. Après accompli, chacune rentrera au cœur pour dire un Veni Creator pour tous ceux qui se sont recommandés aux prières de la communauté, et ensuite l'Antien Subtium Praesidium, à la Sainte Vierge. Pour les agonisants qui sont en danger de mort prochaine, le reste du temps, jusqu'à matine, on a la liberté de l'employer à ce qu'on veut, selon le besoin et la dévotion de chacune. Si on n'a pas dit son chapelet, il serait bon de le dire, mais, dans ce temps, comme dans tout autre, si on désire quelque chose de particulier de vous, vous devez vous y rendre. Préférez toujours la charité et le renoncement de vous-même à toutes vos dévotions particulières. Une âme jalouse de sa perfection ne devant rien s'approprier, pas même un seul moment, des matines. En allant à matines, on pourra se représenter comme notre Seigneur passait souvent les nuits entières en oraison sur les montagnes, exposé aux injures du temps, et que ce fut à 9 heures qu'il alla faire sa prière au jardin des olives, qui est l'heure où nous commençons nos matines. Si nous nous laissons aller à la lâcheté ou au sommeil, craignons qu'il nous fasse le même reproche qu'il fit à ses disciples. Comment vous ne pouvez vous contraindre de passer 1 heure de nuit avec moi? Les instructions et directions qu'on a mises tant aux heures qu'à vêpres pourront servir pour matine. Représentons-nous toujours, comme il a été dit déjà, que nous sommes dans le cœur comme dans le vrai paradis, devant le trône de Dieu, au milieu de la cour céleste, environné d'un million d'anges et de saints, en présence et en compagnie desquels nous devons chanter avec respect, révérence et ferveur, pensant que nous faisons ici sur la terre ce qu'ils font dans le ciel, et que nous devons être les anges de la terre, quelque indignes que nous en soyons. De l'examen de conscience avant le coucher, cet exercice est des plus profitables, si on le fait avec application, et non légèrement et par coutume, car une âme jalouse de sa perfection, recherchant le soir en quoi elle peut avoir manqué le long du jour, tâche d'y mettre ordre, le moyen de se voir sujet à une imperfection et de promettre à Dieu tant de fois de s'en corriger sans en tirer un sensible profit, pourra-t-on souffrir longtemps en son âme quelques défauts qu'on sait être désagréables à Dieu, ou enfin, si, après avoir apporté toute la diligence possible, on se voit toujours tomber en quelque faute, on retirera du moins le profit de ne pas tomber dans les mêmes, ni si souvent qu'auparavant. L'examen a 5 points. Le premier, de reconnaître les bienfaits que nous avons reçus de Dieu, et les obligations que nous avons de le servir parfaitement. Le second, de lui demander les lumières nécessaires pour découvrir nos offenses. Le troisième, de rechercher en quoi nous avons manqué. Le quatrième, d'en concevoir de la douleur et d'en demander pardon à Dieu. Le cinquième, de former un ferme propos de se corriger. On trouvera dans les prières suivantes tous ces points. Grand Dieu, à l'esprit duquel je suis toujours présente, et qui mériteriez d'être vous-même toujours présente à mon esprit, souffrez que, revenant de la dissipation où j'ai été, j'ose me présenter devant vous, fixez mon esprit, Seigneur, retenez-le en votre présence, remplissez-le de la majesté de votre gloire, et permettez qu'abîmé au plus profond de mon néant, je vous rende grâce de tous les biens que vous m'avez faits, depuis le premier moment de ma vie jusqu'à ce jour, m'ayant donné une âme capable de vous connaître, aimer et jouir de vous éternellement, de m'avoir racheté par votre sang précieux, de m'avoir mis au nombre des enfants de votre Église, et fait participer à vos divins mystères, De ce qu'il vous a plu me donner votre corps et votre sang pour être la nourriture de mon âme, je vous remercie encore, mon Dieu, de ce que vous m'avez fait la grâce de m'appeler à la vocation religieuse, où vous me donnez tant de moyens de vous glorifier et servir, enfin, mon Dieu, pour tous ces bienfaits et tant d'autres que j'ai reçus de votre bonté, je vous rends tous les remerciements dont je suis capable, et vous supplie, ô mon Sauveur, d'ajouter encore à toutes les grâces que j'ai déjà reçues de vous, celle de me faire voir en quoi je vous ai offensé, et de m'en faire concevoir une véritable douleur. Ensuite on prend un peu de temps pour voir en quoi on a offensé Dieu, recherchant ses actions, paroles et pensées, regardant comme on s'est comporté aux oraisons, aux offices, aux silences, aux assemblées communes, examinant toutes ses actions depuis le dernier examen, remarquant les imperfections commises et les perfections omises, quel soin on a eu à se servir des occasions de pratiquer la vertu, comme on a employé le temps qui nous est donné pour avancer en l'amour de Dieu, et quel profit on a fait de la réception des sacrements, qui doit être très grand, si nous n'y mettons point d'obstacle, après avoir reconnu ses fautes. Il faut faire l'acte de contrition qui suit, mon Seigneur et mon Dieu, je vous demande très humblement pardon de toutes les ingratitudes par lesquelles je vous ai tant déplu et offensé, après toutes les grâces que vous m'avez faites. Vous pensez toujours à moi et je vous oublie sans cesse, vous m'aimez, et je ne vous rends pas le retour, car je ne fais que vous offenser, ô mon Dieu, je jette tous mes péchés dans la fournaise de votre miséricorde, afin qu'ils y soient consumés et anéantis, je m'en repens, Seigneur, et voudrais ne les avoir jamais commis, parce qu'ils vous déplaisent, je vous promets, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, pardonnez-moi. Je vous en conjure par votre grande miséricorde, par le précieux sang que votre Fils a répandu pour moi, et par les mérites de la Sainte Vierge. Sainte Vierge, ma très chère Mère et Patronne, et vous mon Père Saint Joseph, et notre Mère Sainte Thérèse, protégez-moi cette nuit et tout le reste de ma vie, mon Saint Ange Gardien, tenez-vous près de moi, afin de me préserver de tous les efforts des démons, et vous, mes cinq patrons énènes, assistez de vos intercessions cette pauvre pécheresse. Après cet acte de contrition, il faut dire le confiteor du cocher. Après l'examen, on se retire pour se couchausser promptement, en se déshabillant, on doit se remplir l'esprit de quelques bonnes pensées, et, s'il se peut, du sujet de la méditation du lendemain, reconnaître la bonté de Dieu, qui est bien grande à notre égard, puis qu'il nous fournit tout ce qui nous est nécessaire, lui qui a vécu sur la terre dans une si extrême pauvreté, qu'il n'avait pas où reposer sa tête. Avant de se coucher, on doit se mettre à genoux, pour offrir à Dieu le repos qu'on va prendre, l'unissant au repos et au sommeil que notre Seigneur Jésus-Christ a pris étant sur la terre, se joignant à toutes les louanges et adorations qui lui seront rendues cette nuit dans le ciel et sur la terre, désirant que toutes nos respirations et battements de cœur puissent être autant d'actes d'amour vers lui, pendant toute la nuit, et désavouant tout ce qui pourrait venir dans l'esprit qui lui serait désagréable, enfin, mettant son âme et son corps entre ses mains, le suppliant de nous faire la grâce de reposer en son amour. Mais tout cela doit se faire brièvement, environ l'espace d'un pâté et d'un ave, afin de se coucher promptement. En vous mettant au lit, prenez de l'eau bénite, faites le signe de la croix, et, étant couché, pensez au sommeil que notre Seigneur prit sur la croix, recommandant son esprit à son Père, et dites avec lui, « Mon Dieu, je vous recommande mon esprit et le remets entre vos mains. Mettez-le aussi dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ comme s'il vous disait, « Dormez maintenant et vous reposez dans mon cœur », disant avec David, « Je dormirai en paix dans ce cœur adorable, j'y prendrai mon repos. » Si vous vous éveillez la nuit, élevez votre esprit à Dieu par quelque aspiration. Voilà les petits règlements de la journée, elle sera passée bien saintement. Si on les observe avec application et esprit intérieur, on doit de plus chaque jour, le matin, s'il se peut, visiter deux ermitages, l'un de la Sainte Vierge, où l'on fera quelques petites prières, pour s'offrir à elle et se mettre sous sa protection, l'autre de notre Mère Sainte Thérèse, où l'on fera aussi quelques prières pour lui demander l'esprit d'une vraie carmélite. Et la grâce de bien remplir tous nos devoirs, si l'on ne peut pas commodément visiter les ermitages, on se contentera de faire sa prière devant quelques tableaux de la Sainte Vierge et de notre Sainte Mère, pour ce qui est des dimanches et fêtes. On peut visiter tous les ermitages pour lesquels on a dévotion et employer plus de temps, si l'on veut, à lire ou à prier selon sa ferveur. Quand on a quelque chose à écrire ou transcrire, on le fait aussi les dimanches et fêtes. Et les novices doivent, ces mêmes jours, aller quelquefois au jardin, pour ramasser en se promenant les fruits qui seraient tombés, ou y faire quelque autre petite chose, si le temps est propre à y aller, et si les petites occupations qu'elles peuvent avoir le leur permettent. Après avoir donné des instructions pour chaque action de la journée, il reste à dire quelque chose pour les actions qui ne se font pas tous les jours. Fin de la première partie.